La Rose de Ravenne, par Daniel Le Sueur. Le train stoppa. Claude et Georgette, qui savaient à peine quelques mots d'italien, s'assurèrent par signe d'un facteur et, lui désignant leur valise, dirent au français « Hôtel Lord Byron ». Ils n'avaient pas de gros bagages, ayant laissé leur malle à Venise, où ils retourneraient dans 3 jours. L'omnibus de l'hôtel partit donc sans tarder, les cahotant sur le pavage engalé des rues étroites par la nuit tombante de cette fin d'après-midi, en novembre. Ils étaient seuls dans la voiture. Au fond, le carré de glace reflétait leur double image, confondue en un rapprochement de tendresse. Le visage de l'homme, si beau d'énergique virilité, de race nerveuse et fine, si jeune encore, avec la flamme des larges yeux gris et le lustre sombre de la barbe, malgré le grésil léger des tempes entrevues sous le feutre du chapeau, et le visage de la femme, plus incertain sous la voilette blanche, dont la dentelle se moulait aux lignes séduisantes des joues, du menton et du nez, laissant transparaître la splendeur sombre des prunelles. Claude regarda le miroir, sourit, et posant une main sur la main de Georgette, murmura « Je suis heureux ». « Moi aussi, » dit-elle. « Oh, mon Claude !» Il crut saisir dans cet élan quelque chose d'un peu fébrile et tendu. Rien, moins que rien, mais il la connaissait si merveilleusement. Son âme prolongeait en une répercussion tellement immédiate les moindres vibrations de cette âme. « Qu'est-il, mon Jo ? Un peu de mélancolie. Pourquoi ? Tu as senti cela ? Et pourtant, je suis si vraiment heureuse. Mais quoi ? Tu as surpris la toute petite ombre. Claude, quel homme m'a jamais aimé comme toi ? » Lui, maintenant, s'inquiétait, tout frémissant. « Une ombre ? Quelle ombre ? Pourquoi, pourquoi, mon Jo ? » Il répétait ce diminutif, masculinisé et enfantinement du nom de Georgette. Il savait la magie de la douce syllabe et tout ce qu'elle y entendait, et tout ce qu'il y mettait. Elle était pour lui son Jo, et aussi le Jo, l'être unique, reflété partout en un univers plein d'amour. « Qu'as-tu, le Jo divin ? T'ai-je fait de la peine ? Est-ce que je ne t'aime pas comme il y a 8 ans, quand nous sommes venus ici ? Dans cette Ravenne exquise et que nous avons vécu nos premières heures de bonheur absolu, un bonheur qui n'a fait que grandir et qui ne cessera jamais, mon amour. Nous avons tant souhaité ce pèlerinage et nous y voilà. Nous recommençons, les chères heures. 8 ans, mon Jo, 8 ans que nous nous aimons, il se reprit. Non, pas que nous nous aimons, mais que nous nous appartenons, car nous nous sommes aimés toujours. Notre amour est une chose éternelle, qui était en nous comme le souffle de notre vie, même avant de nous rencontrer. Oui, mon Claude, oui, répète-le-moi. Mais, dis, pourquoi es-tu triste ? Triste ? On ne prononce pas un mot pareil. Tu me fais vivre dans un rêve de délices. Quelle créature humaine n'eut jamais une part semblable à la mienne ? Alors ? Murmura-t-il doucement. Le mot s'éteignit sans autre réponse qu'un baiser, tandis que l'omnibus roulait à grand fracas dans les rues de silence, emportant par la ville morte l'ivresse vivante de ses 2 cœurs. Georgette, pourtant, n'avouait pas à Claude où venait sur sa félicité l'ombre subtile. Il n'insista pas, pensant bien que tôt ou tard il dominerait, saurait. N'était-elle pas, la chérie, ingénieuse aux tourments délicats, par cette intuition qu'il n'était pas de complet repos sentimental, et que l'amour qui s'apaise est un amour qui s'endort ? Mais lui finissait toujours par découvrir la fine peine et par la dissiper. Cependant, l'omnibus s'engouffrait sous la voûte de l'hôtel Lord Byron. Georgette, à peine descendue, et pendant que son mari redemandait leur ancienne chambre, venait de s'orienter, de reconnaître, dans la dernière pâleur du crépuscule, la cour à l'italienne, avec ses bustes, ses balustres, ses faux portiques, tout ce décor nostalgiquement cher, du premier voyage inoubliable. Ravenne. Ils y étaient de nouveau, dans cette Ravenne qui marqua d'un souvenir si intense leurs 2 âmes d'artistes, leurs 2 cœurs d'amants. Tout ce qu'ils y avaient vu, tout ce qu'ils y avaient dit, les moindres aspects, les moindres impressions, demeuraient dans leur mémoire avec la force passionnée de cette cité tragique et de leur inépuisable amour. De nouveau ils montaient cet escalier, ils longeaient ce corridor, et ils pénétraient dans cette chambre, la même qu'il y avait 8 ans. Quand le domestique eut monté les valises et qu'ils se trouvèrent seuls, ils tombèrent aux bras l'un de l'autre, avec des larmes et des rires de joie comme le soir de jadis, lorsqu'ils s'émerveillaient de l'union crue longtemps impossible et enfin réalisée. Ces 2 êtres, d'une harmonie de nature tellement parfaite que toute félicité leur venait l'un de l'autre et qu'ils n'en pouvaient concevoir aucune séparément, s'étaient rencontrés assez tard dans la vie et n'avaient échangé l'étonnement extasié de leur premier regard que par-dessus des obstacles désespérants. Peut-être, sans ces épreuves et dans la suffisance de la très grande jeunesse, ne se fussent-ils pas noués l'un à l'autre d'un sentiment si exclusif, si averti, si profond. Mais enfin, cette fleur de leur prime jeunesse n'avait pas fleuri le jardin de leur amour, et Georgette, quoique belle toujours et toujours plus adorée, songeait, en retrouvant la ville immuable, que 8 ans avaient passé depuis qu'elle y était venue. Claude, maintenant, s'agitait, tournait avec des exclamations de plaisir, comme un enfant à qui l'on passe un caprice après une longue attente. « Ah, enfin, mon Jo, il a donc fallu que nous venions ici pour que tu m'accordes cette joie de n'avoir qu'une chambre, comme deux amours en escapade. Chez nous, j'ai cessé de combattre ta fantaisie, mais en voyage, la résignation me semble plus dure. À Venise, méchante, comment as-tu gardé le courage de maintenir la convention ?»« Parce que je t'aime, » dit-elle avec un délicieux sourire, où s'aiguisait un peu de malice. « Oui, je sais. Tu prétends que l'intimité absolue, constante, use l'amour dans le mariage. Tu n'as jamais voulu être tout à fait conjugale, petite maîtresse légitime. Tu assures qu'une femme n'est pas belle tout à l'heure. Coquette, va. Tu ne me connais pas, vois-tu. Non, tu ne sais pas comment je t'aime. Je t'aime mieux que ta beauté même. Une petite laideur, s'il était possible que je t'en reconnusse, me rendrait plus fou d'amour parce qu'elle serait encore toi. Mon bien-aimé, dit Georgette, parle ainsi. Ah, si tu savais comme c'est bon d'entendre cela, quand on aime comme je t'aime, et quand on est femme, quand on pense. Quoi donc ? Elle ne répondit pas, mais ferma lentement les yeux, tandis que fléchissait sa bouche. Ah, folle, folle, murmura Claude, en posant les lèvres sur son front. Le visage de Georgette resplendit sous cette caresse. Elle rit. Son âme élastique rebondit sur les sommets du bonheur inaltéré. « Tu as raison, je suis folle. Ah, mon Claude, qu'importe le temps, qu'importe la vie, puisque nous nous adorons. Viens, j'ai hâte de sortir, de parcourir les rues. Les rues de Ravenne, songe donc. Il fait nuit, ce sera plus étrange. Nous ne dînerons que dans 2 heures. » Nous prendrons la petite table dans l'angle, près de la fenêtre, tu te rappelles? Et nous chercherons sur la carte le nom de ce vin bizarre qu'on nous a servi dans une longue flasque il y a 8 ans. Georgette remettait son chapeau. Claude ne vit pas l'imperceptible frisson qui fit à peine tressaillir le buste svelte à ces mots, il y a 8 ans. Tous deux sortirent. C'était lui qui s'appuya son bras, à elle, par un geste préféré dans la liberté de la nuit ou de la campagne, un geste qui maintenait, en un rythme plus sûr, leur démarche si bien d'accord. Ils descendirent à petits pas sur le dur pavage de Galet, la Via Giuseppe Mazzini, et atteignirent bientôt la Piazza Vittorio Emanuele. 2 hautes colonnes s'érigeaient dans l'ombre. Qu'était-ce ? Ils ne s'en souvenaient plus. Ils poursuivirent leur chemin, furent tentés par le mystère de rues plus étroites, tournèrent plusieurs angles et se perdirent. L'aventure, d'ailleurs, les enchanta. On ne pouvait imaginer un degré plus profond de solitude et de silence. Pas une lumière aux croisées, pas un passant sur les trottoirs étroits, pas un bruit de roue dans les échos muets. Les réverbères espacés palpitaient faiblement dans ces denses et tièdes ténèbres de novembre. Rien ne semblait vivre derrière les fenêtres closes, uniformément grillées de fer. « Il y a pourtant des êtres humains dans toutes ces petites maisons, » dit Claude. « Derrière ces murs, il y a des gens qui aiment. » Qui espèrent, qui attendent. Quoi ? Te figures-tu l'état d'âme d'un habitant de Ravenne à notre époque ? Je ne m'en soucie pas, dit Georgette. Heureusement que les habitants se taisent et se cachent. Comme l'homme intéresse peu à côté de ce qu'il laisse, ces pierres où l'on a vécu sont plus poignantes que la vie même. Ils se turent, épiant le songe de cette ville écrasée de siècles. Puis, tout à coup, Claude murmura : Nous nous aimons, Georgette ? Elle se serra tout contre lui. « Oui, Claude, nous nous aimons. » C'était le son de leur cœur, le son que rendait leur cœur chaque fois qu'une impression puissante les atteignait à fond. Soudain, ils s'arrêtèrent, saisis. À l'angle de deux rues désertes s'élançait vertigineusement une étroite tour carrée d'aspect barbare, fruste, farouche. Pilier d'ombre noire sur l'ombre pâle de la nuit, la torre comunale érigeait à une hauteur de 40 mètres sa silhouette millénaire. Suant les antiques violences par ses rudes lignes un peu fléchies et bossuées, par ses quatre faces aveugles, percées à peine d'infimes ouvertures, elle exprimait férocement l'âpreté de temps disparu. Pour les deux êtres de modernité fine, de réceptivité vibrante, qu'elle surprenait dans le soir évocateur, elle fut hallucinante et prodigieuse. Georgette murmura « C'est Raben. Vois comme nous sommes seuls, nous deux, ici, la nuit, au pied de cette tour. Et nous avons perdu le chemin de l'hôtel. Mais y a-t-il même un hôtel ?»« Ah, rêveuse, » dit Claude, « te voilà remontée à 1000 ans en arrière. » 1000 ans, 10 siècles, quand tout à l'heure 8 années seulement la laissaient toutes éperdues de leur fuite. « Rentrons, veux-tu, Claude? Nous sommes peut-être très loin. Si nous n'allions pas retrouver. » Il la railla gentiment. « Raben, mais ce n'est pas si grand qu'Auteuil. » Comparaison profanatrice dont s'égaya en eux le gamin de Paris que tout artiste français promène à travers le monde. Ce fut un soir d'enchantement, un soir de divines émotions, d'incomparable amour à partir de la minute où, sous la voûte de l'hôtel, les sentiments électriques leur restituèrent l'immédiate félicité de leur ardente vie, laissant au dehors, dans le silence des rues obscures, dans les cryptes où veillent les yeux d'émail, des mosaïques, la lourde angoisse des songes séculaires. Quelques heures plus tard, Georgette, la joue appuyée à l'épaule de Claude, s'éveilla d'un premier sommeil. Où donc était-elle? Ah, elle se rappela, Raben. L'idylle reprise à son début inoubliable. Oui, tout recommençait comme alors. Claude venait d'être le même adorable fou, sautant des emportements de la passion aux minutieuses attentions de la tendresse, la meurtrissant et la berçant tour à tour dans la fougue ou la douceur de la plus grisante idolâtrie. Tout recommençait, sans avoir jamais fini. Ne s'était-elle pas éveillée ainsi, près du bien-aimé, dans la même chambre et presque à la même heure, il y avait 8 ans? Oui, mais il y avait 8 ans. Demain matin, dans le jour blafard de novembre, quand elle se regarderait dans le même trumeau de glace entre deux fenêtres, devrait-elle penser que le miroir s'était terni ou que son teint avait un peu perdu l'éclat de jadis? Elle se rappelait son doux orgueil d'amante, lorsque Claude avait pris à pleine main la masse de ses cheveux sombres. Demain, quand il lui faudrait se coiffer devant lui, ce qu'elle évitait depuis quelque temps, ne remarquerait-elle pas que la splendide parure s'était allégée et que lorsqu'elle en rebroussait les ondes, quelques fils blancs courraient dans la noire épaisseur? L'obsession de telles pensées humiliait cette femme d'âme très haute. Était-il possible que la fière magnificence de sa vie et de son amour importasse de telles misères? Et pourtant, n'était-ce pas là la misère suprême de la vie et de l'amour? Claude et elle étaient venus ici à Ravenne il y avait 8 ans. Ils y revenaient et rien n'était changé. Mais 8 ans encore, et puis encore 8 ans. Ah, Claude, Claude, mon adoré! Elle appuya ses lèvres contre la chère épaule et se furent enfin des larmes, de pauvres larmes de femme épouvantée par la fragilité du plus inouï bonheur, qui jaillirent en l'excès de ce bonheur même parmi l'ironie des choses immuables au contact des siècles entassés. Le lendemain, des bruits légers réveillèrent Claude. On chuchotait. Georgette donnait un ordre à la femme de chambre qu'elle venait de sonner. « Comment, ma chérie, déjà debout ?» dit-il. « Tu n'as pas voulu flâner un peu comme ton paresseux de Claude? Ce n'est pas bien. » Elle s'approcha pour l'embrasser. « Que tu es jolie » s'écria-t-il. « Va te voir ainsi, les cheveux ébouriffés. Tu es délicieuse. Il n'y a guère de femmes qui gagneraient, comme toi, à se montrer avant leur toilette. » Elle secoua la tête, un peu incrédule, ravie quand même. « Tu dis cela, mon Claude? Mais je le pense. Parce que tu veux me faire renoncer à être coquette avec toi? Certes, oui, je le voudrais. Je t'aimerais encore plus follement sans tes réserves et tes petites ruses. Non, non, une fois par hasard en voyage, tu me verrais laide. Cela te plairait encore. C'est nouveau, inattendu, mais tous les matins, tu t'en lasserais vite. » Il haussa les épaules, fâché. « Laide? Oses-tu dire que tu pourrais jamais être laide? Tu ne sais pas aimer, vois-tu? La confiance te manque. La confiance en toi. En l'adoration de tout mon être pour tout ton être. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais combien je t'aime. » Elle vint à lui, prise à la sincérité, à la puissance admirable d'amour débordant de telles paroles, conquise encore une fois au bonheur sans nuage, sans trouble, sans inquiétude, au bonheur d'éternité dont elle avait soif. Comme Claude et Georgette descendaient une heure plus tard pour se rendre en voiture à San Apollinare et Inclase, on leur remit quelques lettres. C'était la première fois que le courrier leur arrivait de Paris depuis leur départ. Claude jeta le tout dans une poche, on les reste là en route. « C'est drôle, quel désintérêt j'éprouve de ce qui peut se passer là-bas, » observa-t-il. « Moi aussi, » dit la jeune femme. Le fait est qu'ils ne se pressèrent pas d'ouvrir les enveloppes. L'antique Victoria les emmenait à travers les faubourgs sales et tristes, mais qui leur prenait le cœur comme la moite lividité d'une illustre agonie. On franchit la Porta Nuova. La campagne se découvrit, cette plate et fiévreuse campagne de Ravenne, plus désolée qu'aucune autre au monde. Elle s'étendait, d'une mélancolie humble et d'autant plus touchante par contraste avec le joyau somptueux qu'elle en serre. C'est elle, c'est le sable méprisé de cette plaine, qui défend les basiliques merveilleuses, que l'eau guette, envahit et ronge. Les sables et les sombres bataillons de la Pineta, gardien maussade et cependant fidèle, préservent, pour combien peu de siècles, d'années seulement, peut-être, l'incomparable cité byzantine. Hélas, en dépit d'eux, les infiltrations de la mer la dissolvent sournoisement par-dessous. Impossible d'admirer une de ces églises que rien ne remplacera, sans se troubler à la vue de quelques flaques verdâtres suintant perfidement du sol ou s'étalant sinistre lac entre les arceaux des cryptes. Claude et Georgette pressentaient le lent désastre à boire sous le ciel bas de novembre, tournoyer les mouettes, comme si ce fragment précieux de terre, porteur d'un inestimable fragment d'histoire, eût été déjà balayé par le flot. Ils semblaient chez eux, les oiseaux de mer, au-dessus de ce champ de ruines, où s'anéantit de l'art humain, comme les corbeaux sur un champ de carnage, où se décompose de la vie humaine. Encore une fois, Georgette crut sentir errer le doigt du temps sur sa peau fine, dans un attouchement perceptible et affreux. Peut-être Claude, malgré l'impétueux défi de sa solide et mâle nature, de sa persistante jeunesse, qu'aucune atteinte encore n'effleurait, et malgré sa plénitude joyeuse de sentiments, subit-il un instant, lui aussi, la suggestion de ce que chuchotait le morne souffle de cette plaine. Il sembla secouer l'influence trop pesante, et comme pour s'en distraire, sortit de sa poche le paquet de lettres. « Pour toi, mon Jo, » fit-il, en en passant une à Georgette. Elle vit l'écriture et pâlit légèrement. Déjà, en moins d'une seconde, pour ces deux êtres, tout changeait du séculaire paysage par une secousse de leurs âmes. Elle tenait la lettre, sans oser l'ouvrir, tandis que ses yeux à lui, étrangement enflammés, allaient de cette enveloppe au visage de sa femme. C'était la seule chose dont Georgette put souffrir, les crises de jalousie qui souvent, sur la plus vague apparence, faisaient de Claude un autre homme. Torturé alors lui-même par un mal intolérable, il la torturait, cette créature si chère, dont il ne pouvait, en d'autres temps, supporter la tristesse. Le contraste accablait la tendre femme. Rien, ni la brièveté de ses accès, vite dissipés devant l'évidence, ni le retour passionné, ni les adorables repentirs de Claude, n'avaient endurci Georgette contre la déchirante impression. À chaque fois, elle croyait tout perdu. Voilà le mot qu'elle ne pourrait plus oublier, et qui tuait le meilleur en elle. Ici, la coïncidence était par trop fatale. L'éclaircissement ne se produirait jamais complètement. Le doute resterait d'un côté et de l'autre la rancune. Le bonheur ne reviendrait plus comme avant. Et un bonheur moindre, ce serait la fin de tout. Ah, le vertige de désespérance, le regret de n'être pas morte la veille. Mais le lendemain venait. Et le lendemain, c'était l'enchantement retrouvé, dans le grand soupir de leurs deux âmes détendues et meurtries. Claude, je croyais bien pourtant que cette fois tu ne me guérirais pas. Tu as été si cruel. J'étais fou, mon Jo. Mais que veux-tu? Quand la jalousie me tient, c'est comme un feu d'enfer. Oh, si tu me donnais jamais une cause réelle, je te tuerais, et moi, ensuite. Une cause réelle. Mais si tu la vois ainsi, suppose qu'un jour je ne puisse pas te détromper. Eh bien, nous mourrons, voilà tout. Oh, pas dans un moment pareil, grand Dieu, pas dans ta colère. Mourir avec toi, ce serait encore doux. Mais tu n'es pas toi, dans ces minutes maudites. Ce n'était pas la mort, la violence irréparable que Georgette craignait dans la campagne de Ravenne, tandis qu'elle se sentait devenir toute froide, cette lettre entre les doigts. Un danger physique, cela ne la touchait guère, ne s'évoquait même pas dans sa pensée. Mais voir changer le visage de Claude, pressentir la transformation terrible de cet être si bien à elle en un étranger de qui tout lui échappait, sur qui sa voix n'avait plus de prise, ses larmes plus de pouvoir, qui la repoussait dans une démence hostile et sombre, voilà ce qui la faisait défaillir d'appréhension. De qui cette lettre, Georgette? Je ne sais pas. Cela m'étonne, tu parais bouleversé. Eh bien, ouvre-la. Il voyait qu'elle venait de mentir, et cela le transperçait. Mais elle, si loyale, aurait eu d'inconcevables lâchetés dans la terreur de leur double et étrange supplice. Et qu'était-ce aujourd'hui, où par extraordinaire une peccadille chargeait sa conscience, moins qu'une légèreté, une faiblesse infime, et dont son unique amour lui-même avait été la cause? Quels aspects prendrait l'incident, dévoilé par la présomption d'un autre, devant les chers yeux égarés de jalousie? Elle décacheta l'enveloppe, puis, d'un seul regard, parcourut le feuillet. « Oh, c'est ridicule! Mais Claude, il faut d'abord que je t'explique. N'explique rien, donne-moi cette lettre. Cependant, tu ne comprendrais pas ce que René Ferral ait pu m'écrire. René Ferral ?» L'éclat de voix fit retourner le cocher sur son siège. Claude aussitôt poursuivit d'un ton sourd mais où frémissait l'orage intérieur. « Comment ? René Ferral ? Un homme qui t'a poursuivi avant notre mariage, que tu as failli me préférer ? Oh Claude, je ne te connaissais pas, c'était ma famille. Enfin, il affiche assez son amour pour toi. Il t'écrit, il ose t'écrire. » Un silence. Claude lisait la lettre. Dans le cœur tremblant de Georgette s'engouffra d'un seul coup l'horreur de la plaine lugubre. La route infinie, moirée de flaques d'eau, s'en allait vers la ligne grisâtre et basse de l'horizon. À gauche, le talus de la voie ferrée, dans son dur essor parallèle, disait la marche de la vie débrante, foulant sous son galop les cendres où palpite encore le rêve déçu du passé. À quelque distance apparaissait maintenant le campanile de San Napolinare, une haute tour ronde, d'une simplicité primitive de construction dont la masse brunie par les siècles dominait la blême solitude. « Oh Claude, ne nous faisons pas de mal. Je t'aime, je t'aime. » Il leva son visage nerveux et pâle dans lequel brûlaient les yeux passionnés. « Ah, tu crains que nous ne souffrions, et tu me forces à douter de toi. Ainsi, tu as donné des rendez-vous à cet homme, tu acceptes des cadeaux de lui. Tu es fou, Claude. Non, je ne suis pas fou, cette lettre le dit clairement. Vous êtes rencontrés dans le jardin des Tuileries, et il t'offre en hommage une de ses aquarelles. La copie de celle que tu goûtais tant, paraît-il. Un chromo ridicule, sans doute, comme tout ce que fait ce peintre à la pommade. Et où donc avais-tu admiré l'original? Chez lui, n'est-ce pas? Tu es allé dans son atelier? L'excès des imputations, la puérilité du dénigrement rageur eussent fait rire une coquette. Un immense amour pouvait seul déraisonner de la sorte, et se lacérer avec les absurdes armes dont il projetait au hasard les blessures. Mais celle qu'une voix fervente, changée pour un instant, appelait le jeu divin, n'était pas une coquette. Elle se révolta douloureusement, avec la même sincérité où se convulsait le cœur de Claude. « Comment peux-tu dire? C'est affreux! Est-ce à moi, est-ce à ta Georgette que tu parles? J'aurais été chez ce peintre, je lui aurais donné rendez-vous dans le jardin des Tuileries. » L'explication suivit aussitôt, mais cruelle pour ces âmes si sensibles aux nuances. Car Georgette saignait d'humiliation, à s'excuser sous le regard durci de soupçons, s'effarait des invraisemblances de toute histoire vraie. Tandis que Claude, qui ne pouvait pas ne pas la croire, se sentait pour la faire souffrir parce qu'il continuait à souffrir lui-même sans convenir que c'était pour si peu de choses, pour l'idée seule du regard et du sourire de cet homme, croisant le regard et le sourire de celle qu'il voulait tout à lui. « Il t'a dit qu'il t'aime toujours. J'en suis sûr. Et tu t'es contente. Oui, tu t'es contente. Oh, les femmes !» Elle se tut, c'était vrai. René Ferral lui avait dit qu'il l'aimait toujours. Et elle avait été contente. Même elle avait presque provoqué l'aveu. Femme, en effet, elle avait besoin de s'avérer la persistance de son charme, la durée des sentiments qu'elle inspirait, pour se rassurer sur ceux de Claude, et pour l'orgueil de savoir qu'il n'était pas un aveuglé d'amour, inattentif par habitude à quelque lent effacement de sa beauté, mais qu'elle restait l'idole digne d'un tel dévot, la désirable et la précieuse que d'autres enviaient à l'élu. Une semaine avant leur départ, Georgette rencontra Ferral à une vente de charité. Une très belle aquarelle de ce peintre à la mode formait le gros lot de la tombola. Georgette prit un certain nombre de billets, ne gagna pas, et manifesta devant l'auteur un gracieux désappointement. Quand elle sortit des salons du Continental et qu'elle s'engagea dans le jardin des Tuileries pour rentrer rue de Lille, elle aperçut son ancien adorateur qui l'attendait. Tous deux marchèrent ensemble, puis, arrivés à l'autre porte, revinrent d'un commun accord sur leurs pas. Le long de la terrasse, sous le tapis des feuilles d'automne, l'insidieux passé les retenait. Lui, étonné dans le réveil aigu d'une passion dont il se croyait guéri, elle, s'arrêtant, mais avec un léger sourire qu'il ne s'expliquait pas, les mots d'il y avait 10 ans, refusant d'entendre ce qu'elle devinait assez pour y rassasier sa fierté, y apaiser sa secrète inquiétude et, se sentant jeune, triomphante, digne du miracle d'amour où Claude la faisait vivre, et que justement, elle ne voulait pas supposer trop miraculeux, c'est-à-dire trop suspendu au fil, effroyablement frêle, d'une illusion. « Je te vois encore, » disait ce martyr de la jalousie, n'imaginant guère que jamais il n'eût moins de raison d'être jaloux. « Je te vois encore à ton retour de cette vente. Tu t'es illuminée, radieuse. Ah, je comprends maintenant. Tu te grisais de compliments idiots. Tu ressassais les déclarations incommodantes de ce monsieur. » « Faut-il que tu l'aies écouté complaisamment pour qu'il ose t'écrire avec une si audacieuse assurance ?» La lettre, déchirée en morceaux, vola dans l'air humide, mollement agitée par un souffle venu de la mer. Les fragments s'abattirent dans les ornières de la route et sur l'herbe pauvre qui l'abordait. Un peu de rêve humain, de désir humain, joncha ce sol où se sont endormis tant de rêves et tant de désirs. Là-bas, à Paris, celui qui avait écrit ces lignes, le peintre célèbre, qui se les répétait avec une humble anxiété, surpris de ne pas en recevoir la réponse et ignorant l'absence du couple, ne se doutait guère que sa prose, circonspecte mais trépidante, allait se diluer dans la même eau qui use les pierres de l'antique Ravenne. René Ferral, ayant commencé son aquarelle de la tombola, en annonçait l'envoi à Georgette, se permettant de la lui offrir, dans la joie qu'elle dut cette petite chose à lui-même et non pas à la chance, et avec une allusion à leur promenade des Tuileries, allusion qui, malgré la forme respectueuse de l'épître, venait de rendre Claude frénétique. Certes, on sentait un espoir inexprimé, tout au moins une délectation de fleurs tressant, dans ce billet d'un très galant homme, tout à fait incapable d'ailleurs de l'audacieuse assurance dont l'accusait la fureur de Claude. Mais comment l'amoureux Ferral ne se serait-il pas trompé à l'énigmatique physionomie de cette Georgette aux yeux trop expressifs, qu'il avait rappelé à l'ordre, avec, dans le regard, quelque chose de trouble et d'attendri, dont le mystère anéantissait, brusquement chez le peintre, 10 années de résignation. Cependant, la voiture des deux voyageurs s'arrêta devant une construction qui, sans campanile, aurait eu l'air d'une fabrique ou d'une énorme ferme plutôt que d'une église. Le cocher, descendu de son siège, disparut en courant pour revenir au bout d'une minute avec le custode, vieux bonhomme haillonneux, dont l'indifférence maussade faisait plus inentendue, plus farouchement désespérée et lointaine, les voix tristes de la basilique. Elles gémirent, ces voix, quand la clé eut grincé dans la serrure et que le battant de la porte s'ouvrit sur la nef crépusculaire. Les deux étrangers qui pénétraient dans la vénérable enceinte souffraient de la vie et de leur amour. Le tumulte profane de leur cœur s'opposait au recueillement qu'exige, pour donner sa mesure d'émotion, une œuvre de foi séculaire. Cependant, Claude et Georgette subirent à ce point la magie austère du lieu qu'ils se prirent la main et se la serrèrent mutuellement d'une étreinte. Aimons-nous. Que sommes-nous? Les siècles habitent ici. Nous n'avons qu'une heure pour unir nos lèvres et nos âmes, disait la tremblante pression de leurs doigts. À cause de la nudité absolue de l'énorme vaisseau, les hautes colonnes de marbre cipolin en double fil et les purs arceaux de plein cintre qui les surmontent semblent d'une noblesse plus parfaite. Dans l'ombre des nefs latérales s'effritent des sarcophages, incrustés là depuis 1200 et 1500, et qui, cendres à leur tour, laisseront bientôt échapper leurs cendres. Une odeur de moisissure et de destruction oppresse. Un jour blafard palpite, puis va s'éteindre parmi les poutres apparentes du toit. Mais au fond, une splendeur surgit, un bleu de ciel, un azur d'apothéose, éclatant, lumineux, intense comme un zénith oriental, flamboie à la coupole de l'abside, écartelée par les quatre bras d'une croix. Ce sont les inaltérables mosaïques, la colossale joaillerie byzantine, œuvre de piété et de patience, alliance unique du minutieux et du formidable, travail de fourmi dans un cadre de géant. Mais quel esprit d'habilité, retombé à l'enfance, guidait l'ingéniosité des doigts parmi les chaudements gemmés de la matière. Sous le disque de saphir où rayonne le signe rédempteur, la verdure étincelante d'une prairie se développe dans la rondeur de la voûte. Des fleurs y sont semées, des arbres s'y dressent, des moutons s'y promènent. Fleurs épanouies et plaquées sur le fond sans proportion ni perspective, arbres et moutons sortis d'une arche de Noé, tels que Nuremberg les fit plus tard. L'analogie frappante excuse l'anachronisme. Toutefois, ces naïves images rutilent de tous les reflets colorés translucides des émaux, aussi vifs qu'au premier jour. Et l'impression par les contrastes se fait plus complexe, plus suggestive. Tant d'applications, une palette de pierre et de feu pour fixer un si pauvre songe, et la fraîcheur impérissable d'un tel joyau dans l'écrin chancelant et poudreux de la vieille basilique. Cependant, les mosaïques, indestructibles en elles-mêmes, subissent l'atteinte de la désagrégation. Claude et Georgette, d'un œil affligé, remarquaient dans la partie gauche de la demi-coupole de l'abside une sinistre tache noirâtre souillant les verdures de la prairie mystique et la toison blanche des brebis. L'humidité dissout peu à peu le ciment. Bientôt la voûte de San Apollinare in classe laissera échapper ses mosaïques comme une paupière qui a trop longtemps contenu des larmes. Et elles tomberont, une à une, larmes de sang, larmes d'azur, larmes d'émeraude, avec un choc léger sur les dalles dont tressaillira de la base au faîte la taciturne basilique. Décidément, sur le cœur orageux de Claude, sur le cœur frissonnant de Georgette, pesait, plus lourde à toute minute, la détresse des choses qui s'en vont. Ils descendirent le large escalier de l'hôtel et, tournant sa base, s'arrêtèrent dans une stupeur. Sous cet escalier s'ouvrait la crypte dont on apercevait les piliers, hissant leurs chapiteaux hors d'une eau noire et profonde. Elles emplissaient la destructrice, le souterrain consacré. Son flot immobile affleurait le sol de l'église. Il débordait même un peu. Du bout de sa bottine, Georgette toucha ce néant qui montait. « Viens, mon amour, » dit doucement Claude. Elle le regarda. Il avait dans les yeux un abîme de tendresse, inaccessible à cette eau mortelle, inaccessible à la mort même et au temps qui est de la mort. Quand ils furent remontés en voiture, Georgette dit avec une humilité ravissante « Je te demande pardon, Claude. J'ai eu tort. Non que j'ai manqué à notre amour. Oh, pas un instant, pas par une seule pensée, et tu le sais. Mais parce que j'ai eu l'idée mauvaise, folle, de chercher au dehors une assurance de ma jeunesse, de ma pauvre beauté, c'est-à-dire une sécurité pour mon bonheur. Ah, pardonne, je t'aime tant. J'ai parfois de si mesquines, de si déchirantes inquiétudes. » Claude ne répondit pas. Il la regarda et sourit d'un indicible sourire. L'après-midi, dans l'émoi si excessif de leur sensibilité, ils goûtèrent avec plus d'ivresse encore le charme aigu et vénéneux de Ravenne, ce parfum d'encens et de cadavres, cette saveur de volupté et de mort qu'exhale l'étrange ville. La religiosité perverse de Byzance, sa splendeur à la fois raffinée et barbare, sa volupté cruelle, son art dépravé, morbide, tous aux fiévres efforts vers plus de sensations, plus de vie nerveuse, apparaissent tragiques dans l'enveloppement d'une paix immense, sépulcrale. Et toujours le contraste multiplie la surprise, comme par une volonté d'ébranler la machine humaine de secousses où elles prennent plus violemment conscience de ses joies. Ainsi, cette scène mythale et fameuse, la plus pure fleur de l'art byzantin, apparaît extérieurement comme une médiocre église de village. L'étranger traverse d'un pas maussade son enclos planté de maigres ifs, pousse une porte basse au panneau disjoint et vermoulu. Il entre, et si son cœur ne se met pas à battre au soudain aspect de ces colonnes de marbre groupées en une harmonie circulaire à laquelle rien ne ressemble, c'est qu'il ignorera toujours ce que des lignes pures, combinées noblement, peuvent contenir de beauté. Dans ce délicieux sanctuaire, construit, semble-t-il, pour des rites suaves devant un autel immaculé, Justinien et Théodora érigent leurs figures de vice, d'oppression, leur frénésie de jouissance, frustrés par l'assoubissement et le déclin, et qui s'exaspèrent, féroces. Sous le poids des brocarts et des ors, dans un faste de parure inouïe, parmi la platitude des courtisans, leurs visages émaciés, leurs yeux fous, flambent de passions insatiables, damnés de la puissance et du plaisir, ces heureux entre les heureux font mal à voir, de quelles affreuses joies, et donc pétrit leur pâleur. Elle, surtout, l'impératrice, élue, faut-il dire victime, en regardant sa triste face, de la plus prodigieuse fortune. Claude et Georgette s'attardèrent longtemps devant la fascinante image, s'acharnant à en saisir l'âme lointaine, âme de violence et de finesse, de volupté et de domination, qui jaillit des yeux fixes et trop grands, et se consume d'une telle ardeur sur ce mur dans le scintillement des émaux. Lorsqu'enfin ils se détournèrent, ils durent, pour descendre de l'abside, passer sur des planches. Une partie du sol béait, défoncée par les maçons qui, sans hâte, réparaient quelques dégâts trop apparents. Et voici qu'entre les planches, à quelques centimètres au-dessous des dalles, ils revirent le miroitement de l'eau. Elle était là encore, là, dans les fondations de San Vitale, de ce poème de pierre sans émule et sans réplique. Elle était là, tranquille, car rien ne s'opposait à sa prise de possession. Les deux voyageurs la retrouvèrent au baptistère des orthodoxes, où Georgette faillit se briser la cheville dans un trou crevant le dallage et que rien ne signalait, tandis qu'elle contemplait, dans l'intérieur de la coupole, l'étonnant baptême de Jésus en mosaïque du 5e siècle. « Il sera trop tard, » lui dit à ce moment Claude, « pour aller aujourd'hui au tombeau de Théodoric. Eh bien, nous irons demain matin. »« Je suis impatient de le revoir. Ne te rappelles-tu pas, mon Jo ? Ce fut une de nos meilleures impressions lors de notre premier voyage. Elle se rappelait, et même, croyait-elle, mieux que lui. Mais elle n'en dit rien. C'était avec intention qu'elle reculait cette visite. Nul lieu dans Ravenne ne devait lui infliger plus que celui-là le sentiment des années enfuies, si elle n'y retrouvait pas les mois très particuliers de jadis. Ce mausolée de Théodoric, pourquoi donc s'enveloppait-il dans son souvenir d'une superstitieuse douceur ? Quelle fine lumière le baignait il y avait 8 ans. Jamais elle n'oublierait le bleu à peine voilé du ciel, ni la grâce mélancolique du petit jardin. Il y avait un générium érigeant ses hautes panicules semblables à d'immenses plumes neigeuses. Claude ne savait pas le nom de cette plante. Georgette le lui avait appris. Ce détail, d'autres encore, aussi insignifiant, ne servait qu'à restituer l'atmosphère de cette heure unique. Si elle n'allait pas la retrouver, cette heure, si, dans cette atmosphère qui fut celle de leur amour, elle allait découvrir quelque chose de différent, de refroidi. Elle avait presque peur de retourner au tombeau de Théodoric. Si elle eût osé, elle aurait prié Claude de quitter Ravenne sans revoir la rude sépulture. Elle en garderait seulement l'impression ancienne, et quelque chose de plus, une rose séchée. Il y avait 8 ans, Claude l'avait cueillie pour elle dans le petit jardin bizarre, et il la lui avait offerte avec ce mot, prononcé de quel accent, accompagné de quel regard. « Tiens, mon trésor béni !» Pourquoi ce terme câlin, qu'il n'employa plus depuis lors ? Pourquoi ce regard, cet accent, donnèrent-ils à Georgette la plus enivrante évidence d'un amour d'exception ? Pourquoi crut-elle à cette minute plus qu'à tout autre tenir palpitant et tout entier dans ses mains cet adorable cœur d'homme ? Pourquoi en elle-même, une révélation de joie inconnue lui apprit-elle pour quel genre de bonheur son âme était faite, et que le destin lui donnait ce bonheur, et que ce bonheur, c'était Claude. Pourquoi ? Elle ne savait, mais l'évocation lui en restait si merveilleuse qu'elle tremblait d'y substituer, par quelque méchant hasard, une moindre réalité. Toutefois, dans la matinée suivante, ils recommencèrent aussi cette dernière étape, et l'anxieuse amante eut au moins cette douceur de retrouver toute, et jusque dans la couleur du ciel, la forme extérieure des choses. Ce bleu, si affiné par une brume de nuages, elle en reconnaissait la langueur automnale. Voici, dans la mollesse de l'air humide, l'amère senteur des buis qui tapissent la muraille. Le jardin, si étroit avec sa seule avenue, est toujours d'une sauvagerie triste et charmante. Quelques ifs, iris et gazons envahissants que jamais la faune a touchés. Çà et là, sur des massifs broussailleux, fleurissent les pâles roses de novembre. Georgette tressaille, les roses de Théodoric. Et elle retrouve aussi le générium, dont le panache duveteux s'élance de son piédestal de feuillage. Au fond se tasse lourdement le sépulcre trapu. Des arcs boutants de son double escalier, il semble se cramponner au sol, dans lequel il enfonce sa masse, qu'assujettit pour l'éternité, d'une pesée de 500 000 kilogrammes, sa coupole monolithe, en granit de l'Istrie. Que c'est bien là l'étrange d'un dur conquérant barbare. Même dans la mort, il ne veut pas lâcher prise. Ébloui, au sortir des noires et froides forêts germaniques, par la merveilleuse Italie, le Goth l'a broyé dans sa caresse avide. Et maintenant, après 15 siècles, il fait encore panteler sa terre légère sous le fardeau monstrueux de sa tombe. L'eau, qui prépare l'écroulement de San Vitale, ne détruira rien ici. Elle y rôde cependant, comme partout. Mais que peut-elle contre ces soubassements qu'elle baigne? Qu'il chancelle, et la calotte de granit s'accroupira plus bas, mais sans que se détache une seule parcelle de son bloc inusable. Est-ce donc la seule durée des forces brutales que Georgette constaterait en ce lieu singulier? Déjà elle retournait vers la grille d'entrée d'un palan, avec un regard indéfinissable vers les maigres rosiers, dont ce matin elle n'emportera pas la dernière fleur. C'était bon jadis, dans la première effervescence passionnée, de dérober pour elle une rose au vieux roi Visigoth. Mais aujourd'hui, n'était-il pas jeune époux encore, de vieux amants? Elle s'en allait donc, avec la piqûre de ce déboire, lorsqu'elle eut un sursaut et aux joues le froid d'une pâleur. Elle voyait le gardien se pencher vers un des rameaux fleuris, choisir une des pauvres corolles qui se défeuillaient dans la saison tardive. Oh non, pas cela. Faudrait-il qu'aujourd'hui ce fût cet homme qui refit le geste dont restait hantée son âme d'amoureuse? Georgette, mon Jo. Elle se tourna. Claude était à côté d'elle. Il lui tendait une rose, une délicate rose pâle, trop ouverte et menacée, comme un cœur de femme qui se donne trop complètement. Fleur chétive et délicieuse, que Georgette effleura de ses lèvres en regardant Claude tandis qu'il lui disait « Tiens, mon trésor béni !» Tous deux s'éloignèrent. Et comme, un instant après, Claude demandait à Georgette « Dis-moi si tu es heureuse, aussi heureuse qu'il y a 8 ans. » Elle répondit « Plus heureuse. » « Car je sais maintenant ceci, mon Claude, rien ne prévaut contre l'amour, contre un amour comme le tien. Il n'existe pas à cause de ma jeunesse. Mais c'est ma jeunesse qui existe par lui. C'est pourquoi la fuite même des jours ne me fera plus peur. » Ainsi s'achève La Rose de Ravenne par Daniel Le Sueur.